Les peuples progressistes du monde exaltent les exploits immortels du général Kim Jong-il. Le président du comité suisse-coréen, le président de l'organisation de propagande islamique iranienne Al-Hadi, le président de l'association britannique d'études de la politique de Sun Gun et le secrétaire général du comité international de liaison pour la réunification et la paix de Corée ont exalté dans leurs messages et lettres de félicitations adressées à l'occasion du jour significatif de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée, qu'il est l'éminent dirigeant qui a accompli les exploits immortels devant l'époque et la révolution. Les personnalités de divers pays comme le président de l'Union des communistes finlandais, le secrétaire général de la Fédération des travailleurs libanais, le secrétaire général du comité central du Parti socialiste bangladais et le chef de service administratif de la compagnie générale Wazir du Niger ont qualifié les exploits immortels du général Kim Jong-il qui a développé le Parti Travail de Corée de guide de la révolution fondée sur l'idée de Sun Gun et dit que la Corée a manifesté son prestige de puissance politique et idéologique grâce à la direction imminente de son excellence Kim Jong-il.